Voici une étude de thématique qui s'intitule « Reconnaître et distinguer la vibration de la réflexion et de la pulsion » où j'interviewe Marc Delassalle, auteur et conférencier qui a œuvré à diffuser la conscience supramentale de son vivant. Donc, c'est une étude en relation avec un texte qu'il a rédigé. En cliquant sur le lien web qui figure en bas de cet enregistrement, vous allez pouvoir accéder au texte s'y rapportant. La façon que j'ai procédé avec lui en relation avec cette étude thématique, c'est que dans un premier temps, j'ai fait la lecture d'un texte par rapport au sujet à l'étude et je me suis préparé des questions et par la suite, j'ai fait une entrevue où j'y ai posé naturellement les questions. Cet enregistrement date du 12 décembre de l'année 2017. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue maintenant à l'étude thématique numéro 2 qui s'intitule « Reconnaître et distinguer la vibration de la réflexion et de la pulsion ». Donc David Lévesque en compagnie de Marc Delassalle. Alors bonsoir Marc. Bonsoir, David. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, on va pouvoir commencer cette deuxième étude. Alors, tout d'abord, quelle est la différence entre la vibration, la réflexion et la pulsion? Ouais, la vibration. Ouais. Je vais commencer avec la vibration. Oui. C'est sûr que je laisse un temps entre... Parce que la vibration, c'est établi en partant le ton de l'entrevue avec toi, David. Donc, je dirais, cette entrevue-là, la vibration qui est derrière, c'est d'arrêter l'homme à se réfléchir. Donc, ça, c'est la vibration dans cette conférence-là. La réflexion, ce serait, est-ce qu'on va pouvoir amener de l'information qui va permettre aux gens de pouvoir comprendre ce qu'on dit? Ça, c'est de la réflexion. T'sais, si on pense qu'on peut, on souhaite faire ça. Quand tu parles de vibration, c'est déjà inscrit que tu l'établis et ça ne déroge pas, et tu ne peux pas le changer parce que c'est ça. Et alors qu'une réflexion, ben c'est toujours l'ego qui est amené à évaluer, à calculer, puis possiblement se donner des points de référence pour s'assurer que ce qu'il dit, c'est intelligent. En général, c'est ça une réflexion. Si l'ego, il parle, il veut pas passer pour pas intelligent, c'est certain. Donc, il y a des mémoires qui vont rentrer dans son canal. Puis, les mémoires vont l'aider à statuer parce que, en relation avec le talent qu'il a à parler en public, par exemple, si l'âme est très présente, ben, ça va être un discours beaucoup d'âme. Puis, les gens, ben, il faut qu'ils apprennent à reconnaître c'est quoi un discours d'âme. Ça fait qu'on pourrait développer là-dessus parce que, ce qu'il y a derrière une âme, c'est la pulsion. C'est une pulsion. Qu'est-ce que c'est une pulsion? C'est une entité qui nourrit dans son mémoriel l'âme de vibrations astrales. Puis c'est difficilement reconnaissable. Il y a juste la souffrance qu'une personne va vivre après avoir vécu la pulsion pour finalement savoir que ouais, c'était pas une vibration. Elle pensait que c'était une vibration, puis finalement, ben, était déconnectée sans le savoir. Donc, tout ça, c'est très subtil. Fait que je te laisse la parole parce que moi, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais je pense que ce sont tes questions qui vont clarifier le propos. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la pulsion, est-ce qu'on peut dire que c'est une énergie, un mouvement de nature animale, alors que la vibration, c'est un mouvement qui provient du plan éthérique, qui provient de l'esprit? Ouais, En partant, c'est c'est une très bonne distinction, ça. En partant, c'est une très bonne distinction. Par contre, la difficulté, c'est de savoir si la position, aussi animale peut-être, elle peut être tellement déguisée par les hauts plans de la mort, au niveau de l'âme puis d'une entité, que ça peut facilement passer pour l'individu va peut-être penser qu'il est dans sa vibration. Puis comment on fait la distinction à ce moment donné-là? C'est ça qui est très, très, très difficile à établir. Oui, et tu formules déjà une bonne question, à savoir comment faire la distinction de la pulsion et la vibration. La pulsion, c'est une mémoire. La vibration, c'est une reconnaissance. C'est un statut, la vibration. C'est une liberté. La pulsion, c'est une mémoire. C'est un recul sur le passé. C'est aussi l'âme qui veut se manifester dans l'ego. Et par exemple, donne-moi un exemple de pulsion qu'une personne pourrait avoir. On voyait là qu'un exemple très simple issu de la psychologie freudienne, c'est-à-dire la pulsion sexuelle. Ah ouais, OK. Donc, la personne peut avoir, par exemple, ce qu'on voit présentement, bon, dans les mouvements, moi aussi, c'est qu'on remarque que les hommes ont été beaucoup magnétisés par leur corps sexuel, puis ils n'ont jamais pensé dans le mouvement de leur énergie sexuelle si ils devaient demander à la femme s'ils devaient les approcher d'une certaine façon ou pas. À qui ils ont accepté ou ils ont tout simplement considéré qu'ils avaient le droit parce que sexuellement ils étaient attirés vers l'autre, mais ils n'ont jamais mis un garde-fou entre eux autres, puis la femme pour dire est-ce qu'elle, d'abord, elle sent aussi une attirance pour, tu sais, est-ce qu'elle a une attirance? Parce que l'attirance de la sexualité va être générée par l'âme, on s'entend? Oui. Donc, chacun va avoir des mémoires d'âme et des sentiments qui sont liés à la réalité que les âmes veulent se rencontrer et quand ils sont en opposition, deux sexes opposés, ça peut être deux. Si tu es programmé pour une vibration homosexuelle, c'est sûr que tu vas vibrer à un autre garçon et ou à une autre fille, etc. Tu vas être attiré. Donc, l'attirance est là. Mais cette attirance-là, lorsqu'elle est normale, dans une, ben, c'est ça qui amène des gens à être en couple. Par contre, quand c'est seulement la pulsion, il y a aussitôt un manque de respect parce que c'est vraiment animal, comme tu disais tantôt. Il y a un aspect animal dans la pulsion. C'est que la personne est prête à dégrader l'autre d'une certaine manière pour réaliser sa réalité à elle. Tu sais, là, on peut dire que sa réalité, ça peut être un fantasme, mais ce n'est pas nécessairement toujours un fantasme. Il y a des gens qui sont très sensibles, puis ils peuvent avoir un élan amoureux vers l'autre, mais leur élan amoureux n'est pas réciproque et ça les fait énormément souffrir. Donc, leur pulsion va être après ça, elle peut être déplacée pour se balancer dans leur vie personnelle, vu qu'ils sont pas en relation de couple, ça peut dévier sur une forme de pornographie, de regarder beaucoup de, tu sais, d'aller sur des sites internet ou quoi que ce soit, ou il y en a qui peuvent avoir des problèmes avec la masturbation, etc., parce que leur pulsion ou leur côté, leur élan amoureux n'est pas compris. Puis quand ton élan amoureux n'est pas compris, tu peux vivre un refoulement envers toi-même, alors que dans la vibration, si une personne est dans la vibration, on va dire tout simplement, OK, pourquoi je suis seul? Puis dans les vibrations, ça va dire, travaille sur toi, regarde-toi comment tu fonctionnes dans ta psychologie. Puis mais supposons, il dit, mais pourquoi j'ai un élan amoureux vers cette femme-là? Puis c'est pas réciproque. Dans la vibration, la personne devrait être capable d'établir, oh, ben, c'est parce que c'est pas le temps. Parce que si c'était le temps, l'autre personne, elle l'aurait, elle est amoureuse pour elle, pour Mais l'autre ça peut aussi. être intéressant aussi d'étudier pourquoi que la personne vit une attirance énergétique qui a été programmée par les plans, alors que c'est pas le temps selon les plans qu'elle vive ça. C'est sûr que si on rentre dans la société, dans comment fonctionne la psychologie de toute la société dans un cadre actuel, puis on élimine la conscience, on n'a pas le même discours. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on rentre dans une personne qui est capable d'introspection, puis de comprendre un peu que le temps de toute relation est établi par le plan, les plans parallèles, en relation avec ce que l'âme doit dépasser, ce que l'esprit doit, ce que l'ego doit intégrer en tant qu'esprit, sa relation avec le lien amoureux ou le lien avec le travail ou son lien avec la santé change complètement. Donc, il faut savoir à qui qu'on veut parler, David. Est-ce qu'on veut parler aux gens conscients? Je pense que oui, hein? Oui, mais le point, c'est que dans certains cas, ils vont avoir un décalage, et c'est ça sur lequel je vais Oui. mettre l'accent, là, Oui, entre oui. le désir sexuel qu'une personne peut vivre, donc au niveau de son corps physique, biologique, versus qu'est-ce que les plans vont lui dire qu'il a à vivre. Ouais, ben c'est parce que si une personne donne énormément d'importance à sa sexualité, c'est sûr que la pulsion va être davantage animale et fort à travailler parce que on l'a nié sur un plan sexuel très, très fort. Prends n'importe quelle personne qui se ferait prendre à abuser d'une femme ou quoi que ce soit, ce n'est pas toujours des êtres qui sont totalement insensibles. Il y a des êtres qui sont sensibles derrière ça, puis c'est une méchante claque sur la gueule de savoir à un moment donné qu'ils ont manqué de respect à une femme. Mais ça ne les empêche pas qu'ils ne sont pas capables d'arrêter la pulsion parce que la pulsion, qu'est-ce que c'est la pulsion? C'est la réalisation obligé de la programmation d'âme sur l'ego. Et ça, c'est difficile à arrêter. Celui qui a la pulsion de prendre de l'alcool ou celui qui a la pulsion de, tu sais, d'aller sur des jeux vidéo tout le temps, puis il n'est pas capable de s'arrêter parce que, mettons, ça fait 10 heures qu'il passe, là, ces jeux vidéo d'une journée, puis il a besoin d'y retourner. C'est parce qu'il n'y a plus d'éléments correctifs dans sa conscience. Il n'y a plus accès à aucune vibration dans sa conscience, c'est toute l'âme qui mène le show. Et cela, ça devient très souffrant pour une personne du moment que elle réalise que comment j'arrête ça, ce mouvement-là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que la dépendance et la compulsion aussi qui peut être associée à jouer à des jeux d'hasard sur Internet ou tout simplement à des jeux vidéo ou à regarder de la pornographie en ligne, c'est de voir derrière ça comment que la personne peut mettre fin à ce type de programmation d'armes. Oui, puis elle peut pas le réfléchir. C'est là que la réflexion rentre dans un point de contact avec tout ça. C'est que si tu réfléchis à ta situation, tu pourras jamais t'en sortir. Parce que c'est pas des calculs, c'est d'établir, bon, quelle est ma faiblesse par rapport à ma vie personnelle en lien avec la pulsion que je vis. Puis, est-ce qu'une personne, par exemple, c'est d'aller acheter des vêtements qui deviennent une pulsion? Tu sais, il faut que je m'achète un nouveau vêtement, là, je suis triste aujourd'hui ou je m'ennuie. Hein? Ça se peut, ça? Oui, exactement. Les gens cherchent à compenser à travers ça. OK, donc, la personne, elle peut dire, bon, ben, si je le fais, est-ce que ça va enlever la pulsion? Mais au minimum, si elle le fait, le mouvement, si on fait un mouvement, si elle va acheter un vêtement, puis elle regarde comment elle se sent par après, elle fait une introspection, elle va avoir davantage accès à sa réalité, sa vie personnelle, au niveau des plans de qui elle doit être, que si elle fait que réfléchir, bon, ben, j'ai acheté mon vêtement, je suis très contente, puis 2 jours plus tard, elle n'a pas d'observation par rapport au vêtement qu'elle a acheté, puis finalement, elle retourne parce qu'elle ne l'aime pas ou quoi que ce soit. Les gens, faut qu'ils s'auto-censurent. Il faut se corriger soi-même. Mais je veux pas faire une entrevue sur le fait que la personne doit s'auto-censurer. Je veux faire une entrevue sur le fait que c'est quoi une réflexion? Une réflexion, c'est de penser pouvoir dépasser sa psychologie en calculant. Puis c'est ça qu'il faut changer. Parce que l'information doit descendre. Puis c'est dans l'information qu'un jour, les personnes vont avoir accès à la vibration. Mais l'information, c'est une chose, mais l'intégration, c'en est une autre. Ouais, mais aussitôt que tu as l'information, par exemple, je dis par rapport à la vibration du temps. Le temps, n'existe pas au niveau de la conscience. Mais le temps existe au niveau de l'âme. Puis quand une personne rentre dans les structures du temps par rapport à elle-même pour savoir où ça s'en va, sa vie personnelle, elle doit aussitôt établir une chose. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Deux, comment je peux m'arriver à être bien dans ma peau? Qu'est-ce qui m'empêche, trois, à être bien dans ma peau? Puis là, la personne, elle devrait, dans ça, c'est une vibration. La personne là, qui va écouter ça devrait être capable de dire, OK, c'est quoi qui m'empêche d'être bien dans ma peau? Puis, ça peut être une réalité aujourd'hui, puis cette réalité-là peut être dépassée, ça peut prendre un an, mais ça peut prendre toute une vie à dépasser, mais ça ne veut pas dire que elle ne sera pas bien dans sa peau éventuellement, puis tant qu'elle ne l'a pas dépassée, c'est progressif, hein, la conscience. Tu es de mieux en mieux dans ta peau, tu ne deviens pas du jour au lendemain bien dans ta peau, hein, David? Non, à moins que tu vives une fusion instantanée. Puis là encore, faut que tu l'intègres, ce que tu disais tantôt. Oui, c'est ça, mais si on prend le concret, donc quelqu'un fait de l'introspection, il se rend compte que ce qui l'empêche d'être bien dans sa peau, c'est le fait qu'il y a un problème de dépendance lié à la consommation d'alcool. Ouais, ça, c'est de l'âme très fort. Donc, c'est très, très. Normalement, c'est physique aussi, hein, c'est dans les cellules. La personne, son lien avec l'alcool, elle doit le comprendre au niveau psychique. C'est-à-dire que, est-ce que c'est sa sensibilité qui est pas capable de gérer? Parce que il est reconnu que beaucoup de personnes qui ont une sensibilité très, très, qui sont pas capables de gérer, vont trouver des dépendances dans l'alcool parce que c'est des grandes souffrances, là. Quand t'es pas capable de gérer ta sensibilité, c'est des grandes souffrances. Les gens, ils déplacent leurs problèmes sur. Puis c'est pas toujours le cas, là. Moi, je veux pas faire devenir un psychologue, là. C'est pas le but. Mais il y a des réalités qui mentent pas. Quand une personne a une très grande sensibilité et est pas capable d'intégrer, elle peut facilement s'isoler dans quelque chose pour cacher son mal, pour t'sais, cacher ses blessures. Puis le passé, ben, si c'est pas réglé, le passé, t'es jamais dans la vibration de qui tu es. T'es toujours dans la réflexion de ton passé. T'es toujours aussi assujetti à la pulsation de l'âme sur l'ego, parce que le passé, en réalité, c'est ça. Oui, exactement. Donc, la personne qui vit en lien avec le passé est soumise à une programmation mémorielle. Ouais. Puis la vibration, c'est quoi en réalité? C'est la structure d'un mental qui ne se pense pas, qui ne se réfléchit pas. Puis là, si tu prends une personne qui est dans la conscience, qui est dans le mouvement de la conscience, puis elle n'a jamais accès à une vibration. Elle ne pourra jamais savoir c'est qu'est-ce que c'est être impersonnel. Parce que la nature impersonnelle d'une vibration, c'est que, étant donné que tu ne penses pas, tu ne réfléchis absolument rien, tu as accès à toutes les réponses, et les réponses ne veut pas nécessairement dire que la réponse, ça s'applique à toi. Tu poses une question, par exemple, est-ce que j'ai une dépendance, tu sais? La personne se pose une question. La question, est-ce que j'ai une dépendance? Si elle demande, est-ce que j'ai une dépendance, elle doit être capable de recevoir la vibration de la réponse. Puis là, c'est oui ou non. Tu sais, c'est oui ou non. Si elle commence avec le oui, après ça, elle peut dire, j'ai une petite idée de qu'est-ce que c'est ma dépendance. Et c'est à ce moment-là que elle va être capable de s'étudier dans sa relation avec la pulsion. Mais avant ça, oublie ça. Donc, autrement dit, ça y prend une conscience vibratoire pour intercepter la vibration, pour être capable de se libérer de la pulsion, là. Faut qu'elle connaisse sa souffrance. Tu connais-tu ta souffrance, toi, par exemple? J'en connais plusieurs. Tu connais plusieurs de tes souffrances. Oui. C'est sûr. OK. Mais regarde, je vais établir quelque chose au niveau de la vibration de l'âme. Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. OK. On prend n'importe quelle âme incarnée. Puis chaque âme a une programmation particulière en lien avec une souffrance qui peut déstabiliser n'importe quel ego, n'importe quel dans sa vie. Il y a une souffrance qui les surmonte toutes, ou il y a une souffrance dans l'âme qui doit être dépassée, qui est une forme qui fait en sorte que tout la vie d'un ego peut en être reliée. Qu'est-ce que tu dis de cela? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'une, là. Ouais. Regarde, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une très grande sensibilité. Puis, dans mon âme, j'avais une très grande sensibilité, mais la forme la plus dominante, je l'ai vécue très, très jeune, cette sensibilité-là, puis elle me perturbait. Le fait que je captais des choses très, très jeunes, au niveau de la beauté, au niveau de l'imbécilité, et j'étais complètement perturbé par ma sensibilité parce que je ne pouvais pas concevoir que les gens ne voyaient pas ce que je voyais. Et c'est avec les années que j'ai appris à comprendre que les gens n'ont pas tous le même regard sur la vie parce que l'expérience de l'âme n'est pas la même pour personne. Et l'âme a un niveau vibratoire selon ce qu'elle a été dans d'autres vies et selon ce qu'elle doit dépasser dans cette vie-ci. Mais je pourrais te dire que tout au long de ma vie, même de mon travail, quand j'ai travaillé dans le public avant de faire en parallèle avec le travail que je fais maintenant, ça a toujours été la même vibration. La sensibilité que j'ai à capter des choses, elle ne doit pas me perturber. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'âme avait déjà cette grande sensibilité-là qui était transmise à l'ego, mais dans l'ego, il n'y avait pas assez de froideur pour traiter avec la sensibilité. Ça prenait de l'esprit pour élever cette sensibilité-là à une capacité de devenir un radar psychique d'une voyance absolue qui ne brime pas ma vie. Donc, si je pars de cet exemple-là, tu peux comprendre que ma plus grande des souffrances aurait été en lien avec la programmation d'âme, pas la programmation de tout l'ego puis tout ça. Je parlais de la mémoire d'âme où la programmation la plus grande dans l'âme a dépassé, ça aurait été celle-là. Puis il y en a d'autres que ça peut être de subir les autres. Il y en a d'autres, une femme par exemple qui a eu 4 couples puis a jamais été malheureuse parce que l'homme le respectait. Elle l'a pas respecté. Tu t'imagines-tu la vie qu'elle a menée en relation avec les hommes toute sa vie? Puis le doute qu'elle peut avoir par rapport, coudonc, j'ai-tu le droit d'avoir un homme intelligent qui va me respecter? Puis vu qu'elle a pas eu un homme intelligent qui ne l'a pas respecté, elle peut douter de son amour pour l'autre, puis même de son amour pour elle-même. Puis ça peut l'empêcher d'être bien dans sa peau toute une vie, ça. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que si elle a des relations difficiles qui sont vécues à tour de rôle, elle a l'impression que ça marche pas. Peut-être qu'elle va se tanner des hommes, puis elle va dire qu'elle mieux être seule que mal accompagnée. Oui, puis, en gros, quand on met l'esprit dans ça, si elle a la vibration, puis dire, elle demande, c'est quoi la vibration? Est-ce que je vais avoir un homme dans ma vie qui va un jour me respecter, qui va être intelligent? Si elle n'a pas accès à la vibration, elle ne saura jamais, elle peut le réfléchir. Puis c'est ça qui est de valeur, parce que les gens ne sortent jamais de leur intellect, ils ne sortent jamais de leur souffrance. Parce qu'ils sont toujours en prisonnier de l'âme, d'un discours qui revient à l'âme. Et c'est là la nuance à faire entre la réflexion, la vibration, puis la pulsion, dans le sens qu'une pulsion va toujours être reliée au corps inférieur, mais une réflexion, c'est l'intellect, c'est le mental inférieur. On sait très bien que c'est aussi l'ego, puis c'est aussi de l'orgueil, c'est aussi de la culpabilité, c'est aussi n'importe quoi. Ça peut être le faire un bon coup, réussir à faire de l'argent vite fait. C'est tout le temps une réalité qui est descendue dans l'ego en lien avec les mémoires ou les formes qu'elle ne voit pas, qui lui empêchent de se connaître vraiment c'est quoi les lois de la vie, tu sais. Comme si on dit ce soir, si on peut reconnaître que dans la vibration, il y a toujours une absence de temps, parce que ce qui descend dans le canal place l'énergie de ton mental en relation avec ton devenir, puis qui établit que le taux vibratoire de cette vibration-là va élever ta conscience en lien avec ta vie personnelle pour mieux te comprendre, il est compris que ce temps-là doit arriver pour n'importe qui. Cette vibration-là doit descendre pour n'importe qui. Puis des gens qui vont dire, mais comment je fais pour avoir accès à la vibration? C'est la plus grande des questions. Oui. Et comment qu'on fait donc? Ben, je te pose la question, tu sais, quelle est la capacité d'une personne à reconnaître c'est quoi une vibration? Toi, tu reconnais une vibration comment? Ben, c'est en fonction de ma sensibilité. C'est un signal intérieur que je perçois qui est en relation avec une énergie qui me donne une direction plutôt que d'aller dans une autre. Donc, moi, ce que je vais sentir, par exemple, si j'ai le choix entre acheter quelque chose ou de le voler, je vais ressentir que la vibration est plus haute de l'acheter que de le voler. Donc, OK, bon, y aller avec des choses très simples, très basiques, là. ouais, mais je te dirais que c'est de la réflexion, ça. Ah! Parce que la vibration, là, ne fait jamais référence à aucune astralité. Tu n'auras pas dans ton mental. Ça, c'est une loi d'esprit. OK, ben, je vais partir de ton exemple parce que il est intéressant. Vibratoirement, l'âme peut voler. Hein? Oui. Donc, mais vibratoirement, l'esprit, ça ne peut pas voler. Mais d'un autre côté, s'il prend un objet, vibratoirement, il peut prendre l'objet, sortir du magasin et dire, OK, je me sens comment? Parce qu'il y aurait une mémoire à dépasser en lien avec sa vie personnelle. Puis là, s'il se fait arrêter par la police, là, c'est une hostie de grosse affaire, là, parce que s'il se fait pogner en sortant. Mais vibratoirement, l'homme qui est dans son esprit ne volera pas son prochain parce qu'il va y manquer de respect. Ça, c'est la vibration. Il sait que le respect de tous les plans sont alignés. Puis il sait aussi qu'il y a pas un geste qu'il va faire sans que ce ne sera pas su et connu par les plans. Donc, il peut pas aller s'amener à dire, bon, ben, si je vole ou c'est correct, c'est pas correct. Ça n'existe pas dans sa conscience. C'est une loi absolue au niveau de sa compréhension d'une société. Donc, il peut pas s'amener à réfléchir, t'sais, l'objet dans sa tête. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, on a volé des choses. T'en rappelles, toi? Oui. Tu as déjà pris des choses qui t'appartenaient pas. Oui, mais Tu sais, en salle de classe, là, on prend un crayon, par exemple, qui est par terre. On sait que c'est pas nous autres. Tu sais, puis Ouais, là, c'est ça. tu sais, une belle Mais c'est plume. ça, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, le point, c'est que je voulais en venir plus à l'évaluation énergétique de l'intentionnalité derrière des actions. Non, OK, ça fonctionnera jamais comme ça, une vibration. L'intention, là, ça fait partie de l'âme, ça. C'est une réalité d'âme, l'intention. La vibration, c'est ce que ton esprit, ce que ton ego ne peut pas faire parce que tu sais que c'est pas intelligent. Tu sais que c'est pas intelligent. T'as-tu déjà fait des choses puis tu dis, ouais, je suis pas sûr que c'est ça que je vais faire, mais je vais le faire pareil. Oui, avec l'hésitation. Ouais. Mais ce que je veux emmener les personnes, c'est que tu es obligé de le faire pour connaître la souffrance qu'il y a derrière. Et c'est ça qui amène l'ego à vouloir dire, à grimper en autorité par rapport à ça, je veux plus vivre ça. Et là, sa vibration à lui augmente. Donc, il s'ouvre potentiellement à un plus grand accès vibratoire avec son esprit. Et c'est comme ça que ça marche une vibration. C'est que le canal, s'il n'est pas ouvert, il faut que tu fasses des gestes d'autorité dans la matière pour t'amener un jour à pouvoir l'ouvrir, ce canal-là. Par exemple, je pose la question, la lumière veut-elle rentrer vibratoirement en contact avec l'homme? C'est sûr que oui. Bon, comment va-t-elle le faire? Est-ce qu'elle va le faire par des gestes interposés comme voler un objet, ou est-ce qu'elle va nécessairement le faire, tu vas être dans ton salon, puis elle va com vouloir commencer à te parler? De préférence, c'est comment? J'allais dire te parler calmement au lieu de te mettre en initiation, mais Oui, bon. non, c'est pas le style. Fait que, tu sais, Ah. parce qu'avant que le mental soit prêt que tu sois dans ton salon puis qu'ils commencent à te parler là, parce que tu es dans ton salon. Ils veulent pas non plus que tu capotes, que tu vires fou, tu te ramasses à Grande Bâtisse, à l'asile. Donc, ils vont t'amener tranquillement à vivre des failles, vivre des déceptions, vivre des. Ils vont retirer aussi, ils peuvent retirer des sommes monétaires dans ta vie, ils peuvent te faire vivre beaucoup de souffrances. Parce que vibratoirement, c'est la seule façon que tu vas être amené à être plus près de toi-même. Puis c'est le point essentiel de la vibration. Une personne qui n'est pas près d'elle-même n'a jamais accès à aucune vibration. Est-ce que tu me suis là-dessus? Oui, parce que ça nécessite un grand niveau d'intériorisation. Donc, la Ouais. personne qui vit juste au niveau de la superficialité de son être, puis est fascinée par la forme, puis c'est Bon, sûr que... ouais, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la lévitation, là, qui fait de la méditation, est-ce que c'est une vibration, ça? Non. C'est de la réflexion. C'est un désir de l'ego de dépasser de la forme à travers de la spiritualité. Donc, il y a une forme de réflexion dans ça. Parce que tu donnes une valeur, une forme. En faisant de la méditation, ben, je vais élever mon mental. Mais tu C'est peux pas. donner aussi une valeur à une vibration parce qu'on dit qu'une Non! vibration astrale puis mentale, puis la vibration mentale est plus haute que celle astrale. C'est pas vrai, c'est pas vrai, parce qu'une vibration, c'est une vibration. Nous autres, on a parlé de vibration astrale puis vibration mentale, mais une vibration, c'est parce que on le fait pour distinguer c'est quoi une vibration. Mais quand une personne est dans une vibration, c'est une ligne directrice. Il n'y a même pas de champ de gauche ou droit. À droite, tu vas pas ni à gauche, tu vas ni à droite, tu vas où, exactement où ce que la vibration va t'amener. Alors qu'une vibration astrale, il y a toujours un choix que l'ego peut faire. Puis là, parce que si l'individu, quand il est en fusion de conscience, puis ils disent, bon, ben là, tu prends le crayon, puis tu écris exactement ce qu'on te dit, comme Bernard de Montréal l'a vécu, là. Tu sais, la fusion totale, c'était la vibration au départ pour que lui, il soit brûlé au niveau de toutes les formes de conscience, de penser que ça pouvait être de la conscience jusqu'à temps qu'il sache c'est quoi la vibration. Et par exemple, tu peux être devant ton ordinateur puis investir à la bourse, puis de peser sur le piton, puis t'achètes, je sais pas, 1000 actions d'un stock, puis dans ta vibration, toi, c'est d'acheter le stock maintenant. Et là, le stock il commence à diminuer, mais il y a de la réflexion qui embarque, tu décides de vendre parce que tu as de la crainte en lien. Tu n'es pas capable de rester dans la vibration, alors que si tu restes dans la vibration, que le stock descende, que le stock descende pas, tu vas avoir un moment donné, tu dis, OK, là, tu vends. Puis là, tu vas te dire, ouais, mais je perds 70$, puis je vends. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est peut-être que dans 3 heures, tu vas en perdre 2000, tu sais, ou quoi que ce soit. Donc, une vibration, ça se discute pas parce que la lumière ne peut pas gérer un ego en lien avec la réflexion, c'est l'âme qui fait ça. Mais en même L'âme. temps, excuse-moi de t'interrompre, une vibration, ça peut être contesté parce qu'après tout, les plans de la lumière sont contestés par l'individu qui se conscientise. Ouais, c'est intéressant ça, David, parce que la vibration, c'est pas elle en tant que telle que tu contestes, c'est le message dans la vibration que tu vas contester. Parce que la vibration entre la lumière et toi se conteste pas. C'est un espace-temps qui n'appartient à aucune réflexion. C'est un espace-temps libre de toute autorité occulte. Par contre, le message peut avoir par exemple, moi, si je suis en vibration avec la lumière en lien avec le de faire un travail, par exemple, OK, supposons que je prends mon cas. Pourquoi est-ce que je fais des études thématiques? Puis pourquoi que j'ai écrit des livres? Puis, tu sais, si j'établis ça, puis je demande à la lumière, moi, je lui dis, ça ne pouvait être que cela. Puis, ils vont me dire, oui, ça ne pouvait être que cela. Mais je vais dire, dans la contestation, comme tu dis, j'ai dit, mais je ne pensais pas que ça ne pouvait être que cela, ça serait si difficile que cela. Et là, ils vont me dire effectivement, si vous aviez été informé de la difficulté de votre vie en lien avec l'intégration de la conscience supramentale, en lien avec le travail que vous alliez faire, Si dans le passé, dans les 15 dernières années, on vous aviez dit que vous n'en vivriez même pas, que vous seriez capable de, oui, de vendre des livres, il y aurait un petit public, ils disent probablement que ça aurait créé une trop grande souffrance, puis ça vous aurait amené à vous réfléchir, puis vous auriez probablement dit, l'ego aurait dit, mais pourquoi je ferais ça de bord? Puis là, vous auriez eu une forme de contestation, mais ça aurait été une contestation astrale envers nous autres. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que je vais continuer de faire cela? Oui, j'ai pas de problème à faire cela parce que j'en souffre pas. Je me donne pas de rôle dans ça. Et j'en souffrirais si je me donnais un rôle. Et c'est là qu'on peut appeler ça, de la réflexion. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que si tu tombes pas dans le rôle du Messie ou du Sauveur, qui va vouloir réveiller l'humanité, ben à ce moment-là, ça t'évite d'être piégé par ça. Mais tu Ouais. soulèves quand même des éléments intéressants là, puis des nuances à Ouais, savoir vas-y. que parce que des fois, on va contester, par exemple, l'isolement qu'on peut vivre dans le processus de conscientisation, le fait qu'on peut être confronté à des difficultés financières Ouais. qui participent justement à cet isolement-là. Donc, si on vit une souffrance, ça devient comme intelligent d'adresser cette souffrance-là et de retourner contre les plans sous une forme de colère. Mais en Ouais, même temps, oui. c'est que il faut regarder sa vibration tout le temps. Par exemple, dans la souffrance, moi je sais que si tu demandes au plan quel est le rôle précis de la souffrance en lien avec la vibration, là ils vont te donner de l'information, puis tu verras plus la souffrance de la même façon. Puis ta colère sera pas pareille aussi. Fait que je te pose la question, comment les plans fonctionnent pour amener une personne à la vibration? C'est sûr qu'ils vont fonctionner souvent l'isolant pour qu'elle soit plus propice à recevoir des informations puis une communication télépathique. Oui. Est-ce que aussi elle va vivre une vie de restriction au niveau de la finance, comme tu disais tantôt? Souvent, c'est le cas, sauf que cette recette initiatique, de mon point de vue, devrait être contestée par les gens qui la subissent. Oui. Mais d'un autre côté, la lumière, quel choix, quelle option en retour? C'est ça le problème que j'ai pour l'instant, j'en vois pour d'autres. Ça demeure la souffrance, hein? Exactement. Fait que c'est sûr que c'est aliénant. Le point de mire est aliénant parce que la souffrance de l'ego à ses pulsions et à sa réflexion, c'est ça qui le fait souffrir. C'est pas la vibration qui le fait souffrir. C'est pas la lumière qui le fait souffrir. C'est la pulsion, la réflexion que l'ego a qui n'est pas capable de démasquer. Par exemple, l'isolement. On en souffre parce que à quelque part, notre taux vibratoire n'est pas assez élevé pour avoir un contact télépathique totalement ajusté avec la lumière. Fait que eux autres, dans l'isolement, ils vont nous amener à contester notre isolement, puis nous autres, ça élève notre taux vibratoire. Mais quand ton taux vibratoire est très, très haut, l'isolement, il y a des très bonnes chances qu'il s'arrête par lui-même parce que tu vas être dans un autre état de conscience totalement différent, puis tu vas dépasser des formes que tu avais à dépasser. Parce que dans la forme de l'isolement, il y a beaucoup aussi, ben oui, mais j'ai des choses intéressantes à dire, mais pourquoi que pas, je peux pas les dire, je peux pas partager. Puis la lumière va dire, écoute, si on veut que tu rencontres quelqu'un parce il y a un ajustement vibratoire à faire avec toi, tu peux être sûr qu'on te manquera pas. C'est chien en crise, hein? Peux-tu expliquer un peu plus ce que tu dis? C'est-à-dire qu'on va t'utiliser à des fins d'initiation? Toujours, toujours, tant que tu n'es plus initiable. Donc, toutes les formes que tu vas vivre, David, dans ta vie personnelle, moi, je les ai connues parce que le processus d'épuration est très, très, très long. Et nous autres, on conteste le fait que ce processus-là est long, puis il est difficile, puis on a le droit de le faire parce que il y a une conscience qui se développe sur la Terre qui est celle qu'un jour, la lumière ne doit pas s'imposer sur la lumière de l'homme. Mais la lumière me dit, moi, il dit, on veut bien, mais êtes-vous capable de nous parler sans réflexion? Puis c'est là que ils vont dire, en gros, vous n'êtes pas capable. L'homme n'est très pas capable parce que il a trop de mémoire mémorielle en lui. Par exemple, on va faire un exercice très, très, très, très, très, très simple. Si Je demande au double, par exemple, si la Terre était dans un mouvement évolutif aujourd'hui, elle serait, mettons, dans un mouvement évolutif aujourd'hui, ça fonctionnerait comment? Ce serait très difficile de faire fonctionner une société aujourd'hui parce que les gens sont beaucoup bernés par la noirceur puis ils ne le savent pas. Donc, les points de lumière qu'ils veulent émettre sur la Terre vont juste toucher certaines consciences qui vont être capables de dire pourquoi je suis sur la Terre, qu'est-ce que je fais sur la Terre, puis c'est quoi le but d'être sur la Terre. Fait que là, si tu fais le tour de tous les continents, puis tu poses cette question-là, puis tu dis, levez la main ceux qui se posaient ces questions-là. Tu vas voir combien de personnes sur 8 milliards. Tu en avoir une certaine partie là, qui ont une conscience plus philosophique, existentielle. C'est ça. Puis est-ce qu'ils vont être capables, après ça, de dépasser leur stade philosophique, existentiel, puis d'aller dans un monde où il n'y a pas de spiritualité, là. Parce qu'on connaît la spiritualité de l'âme, elle amène énormément de réflexions. Par exemple, que la lumière est là pour éclairer l'homme, puis aider l'homme, puis de lui rendre service. Puis ça a créé des religions. Non, je comprends ce que tu veux en venir. C'est qu'il n'y aura pas beaucoup de gens par la suite qui vont pouvoir toucher une conscience supramentale qui est dépourvue de formes religieuses ou de haute spiritualité ou philosophique. Ouais. Donc, on est très, très limité au niveau de la capacité d'absorber de la lumière parce qu'on n'est pas lumière en général dans sa conscience. On est trop, on réfléchit beaucoup trop la vie. On s'amène à avoir des comportements psychologiques avec la vie pour te défendre. Donc, mais quand tu contestes vibratoirement la souffrance que tu vis, regarde. C'est pas parce que nous autres, on conteste la souffrance qu'il y a moins de souffrance sur la Terre. Hein? Tu vois que toutes les programmations d'âme, celui qui se fait arracher un bras, celui qui est dans un accident ou quoi que ce soit, ça change absolument rien. Hein? Il y a énormément de Ça, souffrance sur c'est la par Terre. rapport au collectif. Mais Oui. si l'individu est capable de prendre sa souffrance et de la retourner contre son double, pour que son Ouais. double modifie son rapport avec lui, Et c'est ça qui se passe avec le temps, parce que l'homme, il lui renvoie la souffrance parce qu'il est capable de le faire. Mais s'il y a de la réflexion dans ce qu'il lui renvoie, comment il sait, l'ego, qu'il y a de la réflexion? s'il n'est pas transparent, il ne peut pas le voir, puis c'est un cercle vicieux. Fait que. Mais même s'il était transparent, la seule mesure qu'il va y avoir, tu sais, ça va être quoi? C'est qu'il va vivre une forme similaire, puis il ne souffrira pas, puis c'est là qu'il va savoir que ce qu'il a énoncé, c'était clair et net. S'il y avait des pas, son taux vibratoire a monté suffisamment pour dépasser la forme de la souffrance qu'il a vécue pour la dénoncer et la dévoiler. C'est comme ça qu'ils vont agir. C'est pas clair pour moi. Peux-tu me donner un exemple concret? Ben, tu dis, tu vis une souffrance, puis Oui. tu lui dis que tu veux plus la vivre, puis peut-être ou quelque chose comme ça, hein? Tu contestes la souffrance que tu vis. Ouais, je vais te donner un exemple concret, moi. Tiens, Vas-y. moi, j'aimerais ça avoir des amis de mon âge. Bon. T'sais, pas juste le monde en cinquantaine, soixantaine qui touche à de la conscience. Chris, moi, je suis dans la trentaine, j'aimerais ça en avoir plus. Je leur ai adressé, j'ai dit tabarnak, je veux rencontrer des gens de mon âge. À un moment donné, je veux briser l'isolement. Ouais. Puis sais-tu ce qui me dit, quelle vibration j'ai, moi? Oui? Ça va venir. Qu'est-ce que tu fais quoi avec ça, cette réponse-là maintenant? Ça Ben, met-tu fin à ta souffrance, là? Non. c'est ça, pas à court terme. Ah, voilà. Est-ce que tu peux la contester, cette réponse-là? Conteste-la donc, on va pour dire au plan, ça va venir, votre crise de ça va venir. Vas-y donc, va. Ouais, exactement. Je vais leur dire, ben, tabarnak, vous me dites que ça va venir, Chris. Je veux pas de délai, je veux maintenant, tabarnak. OK. Puis la lumière va dire, pourquoi que c'est pas maintenant? Ça me dit que je serais pas prêt à l'assumer. Bon. Tu vois que tu as déjà de la vibration de la réponse, mais tantôt, tu n'en voulais pas cette réponse-là, que tu n'étais pas prêt à l'assumer, parce que ça t'amène un peu dans la contestation que tu veux faire, à établir que Oui, je suis contre ce que vous voulez faire parce que c'est une souffrance abominable de vivre ça. Mais d'un autre côté, ils disent, t'es pas prêt à l'assumer. Puis là, tu dis, va donc chier, mon tabarnak, je suis pas prêt à l'assumer. Puis là, ils savent, eux autres, si t'es capable de l'avoir, la vibration, de les contester sur ça. Mais puis ils savent aussi, si tu te réfléchis dans ça, ils connaissent la couleur de ton ego, ils connaissent l'émotion qu'il y a dans ton mental. Fait qu'ils vont dire oui, on vous écoute, hein, on a bien compris. Puis ils vont te laisser avec la forme pour voir si ça va t'enlever du bien dans ta peau ou si à un moment donné tu vas te réfléchir puis tu vas dire tabarnak, je devrais savoir quand est-ce que ça s'en vient, lorsque ça s'en vient. Ça, tu y as droit. Ça, cette contestation-là, je la trouve intelligente. Tu dis, OK, vous n'établissez pas le temps exact, mais je veux savoir si c'est lointain, près. Puis là, je te vois venir, là, lointain, tu vas dire, ben, pas dans 20 ans, tu sais, Exact. près. Près, tu vas dire, ben, dans 2 mois. Non, pas nécessairement non plus. Ils vont dire, là, tu dis, bon, ben, moi, là, dans ma conscience, j'aimerais établir, si je ne suis pas capable de l'assumer. Quelle est la réalité dans l'ego que vous cherchez à corriger? Pose-toi la question puis réponds. Ben, ça va être encore une affaire d'orgueil. Puis j'avais la même réponse Bon. que toi en relation avec ce que l'étude qu'on vient de faire. Ils te connaissent. Oui, c'est sûr qu'ils nous connaissent, mais c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que l'ego et pas assez ajusté à cette lumière-là, d'accepter encore et encore que la lumière fait un travail sur toi ou sur moi-même. Tu sais, c'est très difficile à accepter ça. Pour un ego, là, c'est difficile en tabarnak d'accepter que la lumière fait un travail sur nous autres. Tu es d'accord? Oui, parce que moi, je vis ça comme une forme d'infantilisation. Ok, c'est bien. Tu sais, J'aime c'est bien comme ton maman va te ouais. dire quand tu peux voir tes petits amis, là. Tu sais, c'est comme, tu verras pas tout de suite tes petits amis, là, tu as des devoirs à faire, puis après ça, tu vas pouvoir les voir, ou tu sais, Ouais. ouais. Puis pourquoi que développe pourquoi que les autres c'est pas infantilisant ce qu'ils font? Parce que de leur point de vue, c'est impersonnel. Ouais, c'est ça, c'est impersonnel. OK, puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est impersonnel parce que je l'ai étudié ça je pense dans Oui, le texte. dans ton étude, oui, tout à fait, Ouais. thématique 2. Vas-y donc. L'impersonnel pour toi c'est quoi? Ben, c'est pas issu de la réflexion et de la pulsion. Oui, c'est ça. C'est que la réponse que l'on va te donner est universelle pour tous les égos, ça t'appartient pas. Mais si le chapeau te fait, mêlé, mais ça ne veut pas dire que tu ne t'as pas le jeter le chapeau quand il te fait plus. C'est ça, être impersonnel avec la vie. Par exemple, j'ai besoin de, je sais pas moi, je donne un exemple, de me Oui. masturber ce soir parce que je suis en déséquilibre au niveau de mes corps, mon corps sexuel. Par exemple, je vais dans un restaurant, puis là, je vois une belle serveuse, puis finalement, moi, j'ai une vie toute seule, puis je reviens le soir, je dis, ah, elle était belle, puis là, je dis, ah, je serais bien dans... Je prends un exemple, mais je vis pas ça, là. Mais je prends un exemple, là, je Mais chez j'aurais pas moi, de là, problème puis... avec ça, Marc. Après tout, c'est humain. Ouais, ben c'est ça, mais j'arrive chez nous, puis là, je pense, ah, oh, j'ai dit, ah, oh, je suis tout seul dans ma vie, puis si elle avait été avec moi, fait que là, je suis déséquilibré, la pulsion va rentrer. Ça, c'est sûr et certain. OK, c'est comme ça que ça marche. Mais si je suis au restaurant, je reconnais sa beauté, à ma vibration pareille, au niveau de femme, pas au niveau du corps sexuel, parce que le corps sexuel, c'est une pulsion. C'est... La beauté, c'est ça qui met en vibration. Quand tu vois quelqu'un de beau, une femme qui voit un homme qui la trouve, je sais pas, de son goût, elle va être mise en vibration avec la beauté de l'homme, comme l'homme est mis en vibration avec la beauté de la femme. Et ensuite de ça, il est mieux de regarder qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tu sais, parce qu'il y en a que la réflexion embarque, puis là, la première chose, ils l'ont toutes déshabillé des yeux, tu sais, puis fait que là, la pulsion embarque, puis le corps sexuel sont totalement dépendants. Donc, j'explique un peu comment ça fonctionne pour tout le monde. Tout le monde sont sous les mêmes lois d'énergie, mais si ton taux vibratoire est très élevé, tu regardes plus l'autre de la même façon. Donc, tu es plus assujetti à la possibilité qu'une pulsion astrale rentre. Puis qu'après ça, tu sois débalancé au niveau de ton corps sexuel. Mais si la lumière, par exemple, décide que tu vis tout seul et puis tu es en vibration par rapport à ta conscience de comprendre les lois de la vie, puis que tu dois comprendre aussi que l'équilibre des corps, c'est le corps sexuel, le corps mental, le corps émotionnel, ça doit être tout aligné sur un même rayonnement de conscience. Tu n'as pas à te punir ou à te culpabiliser par la suite si, à quelque part, tu t'es mis en vibration, parce que c'est impersonnel aussi, la vibration sexuelle qui peut te passer. Elle peut être impersonnelle pour te faire croire qu'à quelque part, oh, ben, tu dois. Tu sais, il y a tellement de games qui se Oui, jouent ben en lien au. avec ça, ça me fait penser à Bernard de Montréal que j'avais déjà entendu dire dans un enregistrement que si un prêtre une pensée à caractère sexuel ou cochonne, puis c'est pas que la pensée vient d'ailleurs, ben il va se culpabiliser de ça alors que c'est pas lui la source de la pensée. C'est ça. Il la personnalise. Puis, dans le fond, si le prêtre. On prend l'exemple des prêtres, c'est intéressant parce que, étant donné qu'il n'y avait pas de loi de droit d'avoir une relation avec les femmes, ceux qui n'étaient pas homosexuels, ils étaient complètement déséquilibrés dans leur énergie sexuelle. Puis il y a beaucoup de prêtres qui sont rentrés aussi dans les années 40, 50, c'est parce que l'homosexualité n'était pas acceptée non plus. Les scandales sexuels au niveau de la région, il y en a eu plusieurs, là, hein? Oui, il y a eu beaucoup de cas de pédophilie. Fait que si la pulsion sexuelle aurait pu être, dans certains cas, hétérosexuelle, mais comme elle ne pouvait pas s'exprimer, puis les autres C'est étaient ça. en contact avec une grande quantité de jeunes enfants dans les pensionnats, fait que ce qui arrivait, cette proximité avec les jeunes enfants favorisait des actes à caractère pédophile. C'est ça. Puis c'est pas de, c'est des grandes souffrances. Moi, tu sais, je lance jamais la pierre parce que la lumière, pour établir une vibration avec l'homme, elle va utiliser tous les chemins. Puis quand une âme est programmée pour vivre telle expérience, là, elle passera pas à côté. Hein? T'es d'accord? Exactement. Par contre, moi, c'est sûr, je ne lancerai pas la pierre à des êtres humains qui sont inconscients puis sont manipulés Non, par les non. forces, mais aux forces pour les contester d'avoir créé, par exemple, des religions qui amènent des gens à nier leurs pulsions sexuelles puis les refouler ou les pervertir puis sombrer dans la pédophilie. Moi, au niveau de la contestation des forces puis de la création de certaines religions, moi, je contesterais, là. OK. Bon, si je demande aux forces de la lumière l'utilité, par exemple, pour eux autres d'avoir gardé pendant des années et des années le statu quo sur des informations en lien avec l'âme, ils me répondent ceci. Ils disent, il n'y a jamais une personne dans sa conscience qui aurait pu supporter le poids seul de savoir que toute sa sexualité qui est brimée ou sa sensibilité qui est totalement déstabilisée complètement dans sa vie personnelle, au jour le jour que ça vient de nous autres, il dit, il n'y a jamais une âme qui aurait pu supporter ça. Il fallait que ce soit un mouvement impersonnel dans le sens que l'ego ne devait pas savoir que tout ce qui est orchestré comme vibration au niveau des pulsions, de la réflexion, vient de l'âme. Ça devait être caché et ça fait partie potentiellement du mensonge cosmique parce que on ne pouvait pas, au niveau de la lumière, faire évoluer un ego sans le voiler complètement de la réalité du fait que si tu agis d'une telle manière, en tant qu'ego, l'âme veut que tu t'améliores dans ta vie. Et ça, l'homme a développé les vertus, a développé les morales pour s'améliorer. Et on est arrivé en 2017 où il n'y a aucune morale, aucune vertu qui peut supporter les dégâts de l'âme qu'on voit sur la Terre. Il y a seulement l'esprit qui peut inverser ça. Exactement, et comme tu disais tantôt, il y a peu d'esprit qui est diffusé à la surface du globe. Ouais. Donc, on se ramasse dans une situation de déséquilibre. Ouais, on se ramasse dans une grosse situation de déséquilibre. Puis c'est pour ça qu'on fait une étude thématique sur savoir c'est quoi la différence entre une vibration, une réflexion, puis c'est quoi la pulsion. Je sais pas, est-ce qu'on est un peu plus clair, ou y a-t-il des choses qu'on doit encore éclairer? Bien, c'est sûr que ça peut être intéressant par rapport à ton document que tu as écrit. J'avais une question en lien avec ce dernier, à savoir qu'est-ce qui permet à un ego d'agir dans une situation sans réflexion? Ah, c'est intéressant ça. Ouais. OK, je donne un exemple. L'ego, il doit savoir que c'est pas lui qui mène. Bon. Supposons que tu veux trouver un emploi. Puis, t'envoies des CV partout. OK? Puis, t'es pas capable de comprendre que c'est pas en envoyant des CV partout que ça va faire la différence. Faut que tu te déprogrammes. Donc, la question, c'est quoi encore? C'est. Qu'est-ce qui permet à un ego d'agir dans une situation sans réflexion? C'est ça. Il faut que l'ego soit capable de se regarder aller. Par exemple, si supposons que tu es programmé pour penser que la job, tu vas la trouver no matter what, puis c'est toi qui vas la trouver, bonne chance. Parce que si l'esprit, si la lumière a décidé qu'elle veut rentrer en contact avec toi, ils vont faire tout le contraire. Tu es d'accord? Oui, ils vont créer des oppositions, mais en même temps, le danger quand on parle de ça, c'est que ça soit interprété par réflexion, qui est d'ailleurs l'un des sujets abordés aujourd'hui. Puis il y a des gens qui écoutent ça, qui vont dire: Ah, moi j'ai envoyé des CV, là ça débouche pas, fait que j'arrête complètement pour le reste de ma vie la recherche d'emploi, puis Non, puis j'attends que c'est pas comme l'emploi. ça Ben marche, c'est ouais, c'est ça. ça. C'est ça. C'est que une des choses quand on fait un mouvement, il faut toujours savoir que tu te lèves le matin, puis dans ta vibration, tu dis, ah, ils t'envoient les autres la pensée, ah, t'as-tu pensé à envoyer un CV, là? Puis là, toi, tu dis, je n'ai envoyé 15 CV la semaine passée, j'en envoie plus un seul. C'est là que tu dois te censurer et dire, OK, je vais en envoyer un. Là, la vibration durant la journée, elle reste. Ouais. Puis là, OK, je vais en envoyer un. Je vais faire le test. Tu le fais. C'est que tous les chemins ou tous les moyens qu'ils prennent, que la lumière prend pour entrer en contact avec toi, c'est pas une manière. C'est juste ils réussissent à intercepter ton ego dans une forme que toi, tu ne peux pas contester, mais que tu es obligé des fois d'aller voir si c'est intelligent ou pas. Parce que puis plus tu t'habitues à ton intelligence en relation avec comment tu vas te traiter avec la réception d'une pensée dans ton canal, supposons que c'est une pensée astrale, lève-toi un matin, là, puis va porter des CV, là. Fait que là, t'es pas intelligent, fait que tu peux pas, tu peux, t'es vraiment pas dans, t'es vraiment pas de, sur le point de découvrir si Mais t'as pas de ça revient un petit peu vibration. au principe de lire l'intentionnalité derrière la vibration que je te parlais tantôt. Non, c'est pas l'intentionnalité, parce que l'intentionnalité, c'est pas une preuve de succès, ça, là. Puis c'est pas une garantie non plus que ça va mener à quelque part. C'est de checker toi à partir de toi-même. Mais T'es-tu ce que je veux dire dans... Ouais. prêt à faire ça? Par exemple, on va dire, bon, mais tu as besoin de te trouver une job, puis tu sais que tu vas te lever à 5 heures le matin s'il faut que tu ailles trouver la job. Il n'y a pas d'intentionnalité. Tu vas dans la vibration que c'est ça que tu dois faire et tu le fais. Il faut que tu saches si tu dois le faire ou si tu ne dois pas le faire. Parce que l'intentionnalité, c'est un calcul mental qui amène ceci. Ouais, ben, si les potentiels de succès sont là, l'intentionnalité va être très bonne. Puis c'est d'avoir une certaine voyance faussée par le fait que si j'agis, automatiquement, je vais avoir un résultat. C'est faux. Tu vois, au niveau de l'esprit, si tu agis, c'est parce que tu as décidé d'agir, puis c'est ça que tu voulais faire. Mais si tu penses qu'il y a un résultat au bout, oublie ça. Mais en même temps, si on agit quelque part, comme par exemple quelqu'un qui fait de la recherche d'emploi, d'aller porter des CV, on veut qu'il y ait un résultat aussi. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est de la réflexion, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si, admettons, C'est pas une vibration. oui, mais bon, Tu le admettons. vois, la différence? Tu ne dois pas rien faire en lien avec un résultat. La vibration, c'est par exemple, je te parle, puis toi, tu dis, OK, je vais faire un test avec toi. Êtes-vous conscient que la planète Terre est en ce moment, dans ses derniers relents d'âme? La réponse est oui. Comment est-ce que les êtres sur la Terre vont savoir ce qui arrive est inévitable? Ils vont le savoir seulement par vibration. Les autres vont chercher à faire des formes pour obtenir des résultats. Ils vont essayer d'avoir des consensus. Et pendant qu'ils font ça, ils ne sont jamais dans l'expectative suivante. C'est qu'une vibration, ça ne se décide pas, ça se vibre. C'est intéressant, ça. Ça ne se décide pas, ça se vibre. Non, je comprends que ça se réfléchit pas par l'ego, là, c'est pas un mouvement de l'ego. Donc, la Terre, au niveau du Moyen-Orient, si on fait une étude, la Syrie est alliée avec la Russie. La Turquie se rapproche de la Russie. L'Iran est allié aussi avec la Russie. L'Égypte va acheter de la technologie nucléaire de la Russie pour créer une centrale. Ils n'ont pas besoin de centrale nucléaire en Égypte parce qu'ils peuvent fonctionner avec le gaz, c'est moins cher. Donc l'alignement de la Russie pour créer des alliances nucléaires possible avec tous ces pays-là est vraiment réel. Et tout ça, c'est en rivalisation avec les en rivalité avec les États-Unis. Et tout ce mouvement-là, c'est le mouvement chiite. Et tout le mouvement que les États-Unis sont derrière, c'est avec l'Arabie Saoudite qui est sunnite. Et il va y avoir un contact dans lequel ces deux grandes puissances-là vont peut-être se rivaliser l'un l'autre, et la rivalité, le point culminant, c'est Jérusalem. Mais Donc, justement par rapport à ça, et oui. ensuite, vous avez la Chine qui est très loin derrière, qui regarde tout ça de loin. Est-ce que Exact. ça, c'est Oui. la situation mondiale? Est-ce que tu peux réfléchir à ça ou tu sais que c'est cela? Oui, c'est ça. Mais justement, je voulais t'amener à commenter parce que là, récemment, dans l'actualité, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Donc, on va aller dans la vibration. Est-ce que lui n'avait pas le choix de dire cela? Est-ce qu'il est la personne qui avait été décidée par la lumière pour qu'il dise cela? Pas que lui pense qu'il est un envoyé de la lumière, qu'il y a un être humain qui va avoir été utilisé, comme tous les êtres humains peuvent avoir été utilisés par l'astral ou par la noirceur ou par la lumière pour qu'il se crée sur la Terre ce qu'il doit se créer. Est-ce que moi, je suis utilisé par la lumière pour créer le mouvement de la conscience supramentale? Non. Est-ce que je suis, par contre, assigné à la même table que toutes les personnes qui ont à apporter de l'information pour instruire l'homme au niveau de qu'est-ce que c'est une conscience supramentale? Je dirais que oui. Et est-ce que cela doit faire pencher la balance pour donner à l'homme plus de lumière? Ils disent, c'est pas votre job, laissez-nous faire notre job. T'as vu, c'est intéressant, hein, la vibration. Mais à ce moment-là, c'est quoi ta job? C'est de parler. Mais parler pour Mais toi ou le collectif? parler. Puis si je commence à penser que je dois parler au collectif, je suis déjà dans la réflexion. OK, mais pour en revenir à Trump, parce que son... Trump, il est dans la réflexion. Oui, Trump, ça, il réfléchit, puis il sait pas que lui peut être utilisé en lien avec ce que la Terre doit connaître. Puis là, je n'ai aucune réponse occulte concernant Trump. C'est aux gens de faire leur propre étude. Moi, mon étude est déjà faite parce que si je fais ça, je me mets les deux pieds dans la merde parce que je vais diriger la façon dont les gens doivent regarder le processus. Puis s'ils n'ont pas accès à la lumière, ils seront peut-être pas capables de supporter la crise de réponse. Fait que je ne donnerai jamais de réponse là-dessus. Sans commenter l'identité de Trump, le mouvement qu'il a fait récemment, parce que là, on est au mois de décembre de l'année 2017, d'avoir déclaré Jérusalem comme étant la capitale d'Israël a engendré beaucoup de réactions internationales, notamment de la part des Palestiniens, des musulmans, qui auraient voulu que justement la Palestine soit reconnue comme étant un État en ayant OK. comme capitale Jérusalem. Donne-moi ta réponse. Pourquoi que c'est lui qui fait ça? J'allais dire parce que l'ego, il y a l'ego assez gros pour forcer. Il y a un côté impulsif à la différence d'Obama ou d'autres de ses prédécesseurs. Il peut le faire. Par contre, il n'y a pas nécessairement l'intelligence puis le sens de la diplomatie parce que ça a entraîné des esti de choc, là. Ça rentre-tu en considération? Mande à ton double. Mande à la lumière, ça rentre en considération. Ce que tu viens de dire. Oui. Ça rentre en considération qu'il n'y ait pas le. Ou est-ce que ça rentre en. Ah, Pour ben, eux autres, qui a créé des chocs. ils disent demande à ton double si Trump est impersonnel Non. par rapport à ce. Il pense, tu penses vraiment qu'il est personnel? Mais c'est-à-dire que lui, entre guillemets, croit faire le bien. Ouais, mais demande à la lumière s'il est impersonnel. Je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que la lumière sait que c'était lui? Oui. Bon, Mais c'est ça, c'est la insultant. lumière. Lui, il est Ben, comme un c'est pion. justement. Mais c'est ça Oui, le. mais David, si tu étudies la vibration, la réflexion, puis la pulsion en lien avec Donald Trump, tu connaîtras jamais qu'est-ce que c'est être universel et impersonnel, parce que Donald Trump est l'antithèse de l'universalité puis d'être l'impersonnalité. C'est tout le contraire. C'est tout lui qui mène le show en tant qu'ego. T'es d'accord? Oui, exactement. Mais moi, ce Bon. qui m'intéresse, c'est de voir l'agenda des forces derrière lui en laissant prendre la place à l'international pour créer ce mouvement-là qui crée beaucoup de polarité au Moyen-Orient. Et voilà, c'est de voir l'agenda, comme c'était quoi l'agenda de George W. Bush. S'il avait pas remporté la Floride parce qu'il y avait eu un bug avec le système informatique, c'est pas lui qui aurait été à la présidence des États-Unis quand le septembre 2001 est arrivé. Mais c'est lui qui était là. Puis lui, c'était ben ben clair qu'il était aligné sur le fait que on va aller en Afghanistan puis on va faire ce qu'on a à faire. Puis ça a créé tout. Puis il y a eu des alliances. La Grande-Bretagne est embarquée. C'est que au niveau de la vibration, les gens vont avoir bien de la misère à accepter que c'est tout décidé d'en haut. Tout ce qu'on vient de parler là, c'est tout décidé d'en haut. Est-ce que Adolf Hitler avait été décidé par en haut? La lumière connaissent ce qui va se produire parce que je vais te donner un parallèle. Ils savent déjà comment les forces de la noirceur peuvent travailler à travers un homme et une personne, et ils savent l'impact que celui-ci va créer sur les civilisations. Puis eux autres, de leur côté, ils disent, est-ce que c'est un moindre impact, un grand impact, doit-on intervenir ou on n'intervient pas? Fait qu'avec les Atlantes, ils ont intervenu parce que. Puis avec l'évolution de certains animaux Ben, aussi. c'est-à-dire que les Atlantes n'ont pas intervenu pour rétablir l'ordre, ils les ont laissés sombrer dans la décadence. Ben oui, ils sont intervenus. Ben, ils n'ont rien fait, ils Ben ont laissé justement, ils sont s'entretuer, intervenus. puis il y a eu des catastrophes abominables. Oui, mais c'est justement parce que ne pas agir, c'est intervenir aussi. Oui. Bon, fait que dis-moi pas le contraire. Ne pas agir, c'est que. David, si tu n'es pas capable d'accepter que la lumière sait exactement de quoi on parle, ils savent exactement le prochain mot que je vais dire, ils savent exactement comment toi tu vas te comporter dans une entrevue, ils savent exactement comment tu vas te comporter demain et quelle sera ta réponse dans 3 jours en lien avec une telle situation, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils disent, oh, on a affaire avec un nouvel esprit. Puis ils le savent, ça aussi. Ah! Ils ne savent pas ce que tu vas dire à un moment donné. Et c'est là que tu peux commencer à les surprendre dans ton intelligence en lien avec la capacité de l'homme à instruire les forces de la lumière en lien avec qu'est-ce que c'est, qui est l'homme. Si tu peux faire ça maintenant, tant mieux. Mais si tu peux pas le faire maintenant, donne-toi comme autorité de conscience de pouvoir le faire dans cette vie matérielle-là. Et je veux te dire, c'est une des probablement la plus grande liberté que tu vas connaître sur la planète Terre. Donc, quand tu vas parler avec la lumière, tu vas lui dire, qu'est-ce que vous faites au Moyen-Orient, là? Il dit, on place des choses. Vous placez quoi? C'est pas de tes affaires. Fait que là, tu dis, c'est pas de mes affaires. Est-ce que je peux parler davantage avec les autres dans un discours impersonnel? Il dit, tu pourrais. Mais au niveau public, c'est pas important ces choses-là, parce que c'est aux gens de reconnaître comment ils vibrent par rapport à ces événements-là et se poser comme question. Est-ce que la Terre doit connaître un renversement de ses énergies astrales? Ta réponse, c'est quoi, toi? Oui. Bon, fait que pour renverser les énergies astrales de la planète Terre, qu'est-ce que ça va prendre? Peut-être que Justin Trudeau va devoir se déguiser en Père Noël plus souvent? Ou en Superman comme il l'a fait le jour de l'Halloween. Ben, c'est peut-être ça, hein? T'as-tu vu comment il y a des films sur les super-héros? Puis ça n'arrête pas, Marvel. Tu vas au cinéma, ils sont en train de. Je pense à tous les 2 mois, il y a des super-héros qui sortent. Puis là, ils mettent. Là, Iron Man est rendu avec Superman dans le même film. Puis là, ils mettent. Ça n'arrête pas. Comme, ils vendent quoi au monde? Ils vendent de l'espoir, probablement? Oui, exactement. Ça va chercher l'inconscient des gens qui désirent des sauveurs. Ouais, c'est ça. Ils vendent du nuage. Puis les nuages, ils disparaissent tous à un moment donné. C'est ça, mais le point, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Comment arriver à générer une parole qui ne sera pas issue de la réflexion, qui ne sera pas issue de Oh, la pulsion c'est bon ça. et qui va nous permettre de surprendre les plans? Oh, c'est bon ça. C'est quand tu sais que ta vie est impersonnelle. Quand tu sais totalement qu'il n'y a pas rien dans ta vie qui n'avait pas été décidé d'avance, mais il n'y a pas rien aussi que tu ne peux pas altérer non plus quand tu sais qui tu es en relation avec les plans. Quand moi, je te disais au début de l'entrevue, David, ma sensibilité a été un grand problème. Penses-tu que si j'avais pas eu de froideur dans ma sensibilité, je pourrais parler aujourd'hui, si je peux parler avec la lumière, c'est parce que j'ai intégré la froideur dans cette sensibilité-là. Donc, j'ai accès aux réponses, puis ils ne peuvent pas me perturber les réponses. Mais c'est intéressant que tu parles ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent un processus de conscientisation, et je OK. m'inclus dans le lot, OK. vivent une très grande sensibilité. OK. Et j'ai des gens que j'ai connus qui étaient très sensibles. Il y en a un qui a eu des idées suicidaires, il y en a un autre qui s'est suicidé. OK, donc la sensibilité n'a pas été gérée, pas assez de froideur. Pas assez dans ça, la lumière n'a pas été capable de tasser l'astral parce qu'eux autres, dans leur sensibilité, ils s'astralisaient eux-mêmes. Exactement, ça a été une plus grande source de débalancement, la sensibilité, plutôt Ouais. que d'épanouissement psychique. Ouais. Puis ça, c'est la lumière, quand je lui parle de cette réalité-là, ils disent. On ne peut pas tuer l'homme, mais on ne peut pas non plus obligatoirement en faire un surhomme s'il ne peut pas avoir les corps pour supporter ce qu'il est. Puis c'est ça la problématique. C'est que l'homme, c'est l'homme lui-même qui va se tuer, qui va se retirer de la lumière. Le suicide, c'est ça. Mais en même temps, si eux autres créent des plans de vie abominables pour des gens Ah, hyper OK, ouais, je te vois. bon. Donc, autrement dit, c'est créer des plans initiatiques très lourds en matière de position pour des gens hyper sensibles. C'est sûr que ça peut amener certaines personnes au suicide, là. Ouais. Donc, ce que j'ai à dire aux personnes qui sont sensibles, c'est d'élever leur taux vibratoire. Mais comment ils vont élever leur taux vibratoire? C'est de regarder ce que vous percevez, ce que vous sentez. OK? Comment vous l'absorbez dans votre réalité? Comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes en contact avec des gens pour aller des fois dans des études profondes sur ce que vous vivez ou si vous êtes isolé, sachez pourquoi vous êtes isolé et faites des études sur votre propre vie matérielle pour la balancer. Parce que ça veut dire que si vous êtes pas en contact avec d'autres consciences pour balancer votre propre sensibilité, ça veut dire que vous avez énormément de travail à faire sur vous-même pour vous connaître. Parce que si vous vous connaissez pas, votre sensibilité va avoir des points d'attache, des points d'entrée avec les mémoires qui vont vous amener à vous réfléchir. On prend l'isolement, par exemple. Oui. L'isolement. Dans celui qui est moindrement sensible, il reconnaît que pourquoi que j'ai pas des personnes à parler avec. Pourtant, j'en bénéficierais de personnes que j'ai à parler avec. Mais si il va au niveau de sa sensibilité, puis il dit, OK, c'est-tu avec tout le monde que je peux parler de ça? Il va dire non. OK, ça veut dire que les personnes, est-ce que la personne va être suffisamment ajustée pour que je puisse en parler? Il dit, c'est pour lui, ça va être une souffrance, c'est pas une garantie qu'il pourra pas en parler. Fait que là, il est obligé de demander à son double, quand est-ce, c'est tabarnak, que je vais rencontrer quelqu'un qui va me permettre de sortir de mon isolement. Il dit, oh, on connaît quelqu'un qu'à un moment donné, ça va faire une différence dans ta vibration puis ta vie. Et il faut qu'il vive avec ça. C'est triste, mais c'est ça. Oui, puis on en revient un petit peu comme tantôt avec la réponse, est-ce que c'est à moyen terme, long terme? Puis là, ça devient toujours évasif, ça reste pas clair. Ouais. Mais tu sais, l'homme, il sait s'il a à faire des choses pour la diminuer, cet isolement-là. Il y a des gens qui doivent s'habituer à leur intelligence, à leur vibration, connaître leur intelligence. Moi, je la connais, mon intelligence. Il faut que tu travailles avec ton intelligence. Par exemple, mon intelligence est vibratoire, puis c'est intuitif. Quand je vois, je me lève d'une journée, puis je vois, moi, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. J'avance tranquillement vers la forme, puis moi, c'est ça que je vais faire. Fait que finalement, c'est ce que je fais. Puis quand je le fais, je suis bien en vibration. Comme aujourd'hui, je suis allé faire du ski. Puis j'avais vu la forme à matin. Ah, peut-être que je pourrais aller faire du ski. Il y a de la neige, puis je pourrais peut-être aimer ça. Mais c'était pas une vibration qui était complètement arrêtée. Là, ben là, je vais aller faire du ski parce que là, il y a la... J'ai aucune réflexion dans ça. C'est juste. Après avoir mangé, j'ai-tu encore la vibration d'être dehors, faire du ski? C'est oui, c'est oui. Fait que tu vois, je la connais, mon intelligence. Je travaille très près de moi-même. Puis ça, c'est une des réalités. Aussitôt que tu es loin de toi-même, ta sensibilité va se faire malmener parce qu'il y a des entrées astrales qui vont rentrer, qui vont mettre de la réflexion dans ton mental. Puis là, tu vas te réfléchir dans ta sensibilité. Puis là, c'est là que l'isolement va apparaître. Puis là, tu vas dire, ah, je me sens seul. En réalité, tu avais peut-être allé faire du ski, mais tu n'as pas suivi ta vibration, puis là, tu te sens isolé. Fait que les gens, faut qu'ils apprennent à se connaître. Et c'est souvent à travers la solitude qu'il y arrive. Oui, c'est voulu par les forces, ça. Fait Puis que c'est quand un une petit peu un personne. cercle vicieux. C'est très vicieux parce que c'est toujours le cercle de la souffrance, comme on a dit depuis tantôt. Puis c'est comment tu vas traiter avec la souffrance dans ta sensibilité qui va faire toute la différence. Supposons, si tu astralises qu'est-ce que tu vis, puis ta souffrance, elle devient pour toi plus grande que qu'est-ce que c'est supposé d'être, les forces le savent, ça. Ça fait que là, tu as ouvert indirectement la porte à quelque chose qui va probablement t'astraliser davantage, puis tu vas souffrir encore plus. Fait que ça, faut que t'en sois averti de ça. Ce que toi, tu considères qui est la plus haute forme d'intelligence en respect avec qui tu es. Moi, la plus haute forme d'intelligence en relation avec le respect de qui je suis, c'est que ma sensibilité doit toujours être une voyance absolue sur les plans invisibles, qu'elle ne doit jamais me perturber et que ça doit être une froideur totale dans mon mental, en exception lorsque je vibre au lien universel du principe de l'amour et des intelligences infinies qui veulent descendre une nouvelle vibration sur la Terre qui n'appartient pas encore à l'homme, mais qui est très difficile pour l'homme de voir parce qu'il a tellement mis d'émotions dans cette vibration-là qu'il pense que l'amour de l'homme pour l'homme, c'est tout simplement une émotion alors que c'est une vibration. Et cette vibration-là n'appartient pas pour l'instant à la Terre parce qu'elle n'est pas descendue complètement sur la Terre. Elle va se vivre tranquillement à travers des êtres sensibles qui vont se respecter, mais aussi qui vont savoir que l'autre que tu as devant toi n'a pas de défaut. Puis quand que l'homme va voir l'homme sans défaut, mais en processus de conscience, au niveau de la fusion de son être avec la vibration universelle de son intelligence infinie, qui est celle de se connaître, de se savoir et de parler dans son verbe. Quand que l'homme parle dans son verbe, il ne se réfléchit jamais. Et quand que la réflexion est éliminée, l'homme n'a plus aucune pulsion au niveau de ses corps. Parce qu'il est capable de dire, bon, ben, je vais rencontrer une femme dans 3 mois, puis il n'y a plus de pulsion en relation, parce qu'il sait que s'il est mis en vibration en lien avec une souffrance qui peut l'amener à vivre un certain déséquilibre, il va contester cette vibration-là, puis il va la faire sauter, son taux vibratoire va augmenter, puis automatiquement, ses corps s'alignent tous en même temps. Il va pouvoir contester, mais le délai au niveau de l'événementiel va rester pareil si c'est Il n'y a rencontrer une plus de femme. délai. Il n'y a plus de Non? délai parce que tu élimines toute capacité de délai. Tu sais, quand tu es en fusion, le principe de la fusion avec la lumière, de la vibration, c'est que le temps n'existe plus. Tu ne vis plus le temps. Ben ça, j'ai de la difficulté à comprendre dans le sens qu'on s'inscrit quand même en tant qu'ego dans un plan temporel, là. Oui, mais quand tu comprends que l'ego est intemporel, parce que l'esprit est intemporel, tu fonctionnes seulement sur le temps de ta vibration. Puis le temps de ta vibration, tu peux pas dire, bon, mais demain, je vais faire ça, tu ne sais pas. Tu peux avoir la prévoyance, la préforme, que moi, demain, c'est peut-être ça que tu vas faire. Mais tu la réfléchis pas, tu peux pas la réfléchir parce que tu sais même pas si c'est réel, si ça va être là demain. Fait que tu es obligé de rester juste à côté de toi-même. Là, tu te dis, bon, ben, je vais mettre une autre bûche dans le poêle, puis tu mets une autre bûche dans le poêle. Tu sais même pas ce que tu vas faire dans 5 minutes. Tu sais, moi, je sais pas, l'entrevue, elle va finir dans combien de temps, mais j'ai une petite idée. Oui, exactement, mais ça revient au principe de fonctionner avec le vide mental. Ouais, c'est ça, le vide mental, c'est ça, le vide mental. Puis c'est quoi le vide mental? Ça vient d'où? Ça vient de l'absence de réflexion. Ça vient de la présence de l'individu à ce qu'il est dans son mental en lien avec l'alignement de sa conscience avec les plans de vie parallèles. Puis ces plans de vie parallèles-là, ça peut être que, ben, moi, j'ai un mandat d'étudier avec David Lévesque, par exemple, c'est quoi la lumière? Fait que là, je suis dans cette vibration-là. Tantôt, je vais avoir la vibration de prendre soin de mon feu pour me préparer pour ma nuit, puis mettre du bois dans le poêle. Fait que j'ai pas de réflexion. Je vais-tu dormir tout de suite, tu sais, quand on fait une conférence, dépendant, est-ce que le mental est encore très animé. Moi, aussitôt à cette heure que je finis de parler, je peux dormir. Parce que toutes les lumières s'éteignent. C'est le vide mental, comme tu dis tout le temps. J'ai pas besoin de monter en vibration ou de descendre en vibration. Ça n'existe plus pour moi, ça. C'est ce que je dis en réalité, en relation avec ce que je suis, c'est la vibration dans laquelle je suis. Et l'alignement de la lumière agit sur le reste, sur le fondement vibratoire du rayonnement de ta parole, parce que vu qu'il y a un vide autour de toi, il y a aussi un vide qui se crée dans les espaces-temps pour que cette parole-là soit entendue où elle doit être entendue. Est-ce que, par exemple, ce soir, on parle plus au niveau de la conscience psychologique de l'homme? Oui. Est-ce qu'on parle aussi de la conscience occulte de l'homme sur les plans en relation avec les mondes parallèles, le plan de la mort? On n'a pas trop parlé de ça Non, c'est ça. pour pas trop mélanger les gens. On est resté beaucoup au niveau du principe psychologique, comment fonctionner dans sa vie personnelle. Mais tu sais, tu as voulu un peu étudier le culte au niveau de Donald Trump, ce qui est pas mauvais. Mais moi, je faisais qu'amener des alignements par rapport au pays pour démontrer que je vois des choses, que les gens doivent aussi savoir qu'ils voient des choses. Mais si ils se fient pas à leur vibration, par exemple, de savoir ce qu'ils sentent quand qu'ils entendent une parole, qu'ils entendent une réponse, ah, c'est ça. Puis la réponse, elle descend. Mais ça change leur vibration parce que, mettons, c'est comprendre c'est quoi une sensibilité. Si les gens savent pas qu'ils doivent être au centre de leur sensibilité, parce que dans la sensibilité, il y a 3 points. Il y a l'intuition. Il y a la voyance. Puis il y a la vigilance. Faut que tu sois dans le centre. Ça veut dire que tu sois vigilant par rapport à ta sensibilité. Tu sais, une femme qui sait que son mari le trompe ou whatever, là, que son fils va pas bien, elle sait par intuition sa sensibilité. Après ça, elle a la voyance que, bon, mais avec cet homme-là, elle peut pas vivre sa vie. Ça va avec cet homme-là, elle va vivre de la souffrance. Puis il va pareil, elle respecte pas sa sensibilité parce que sa vigilance est pas assez grande. Donc, le principe de la froideur, là, dans cette sensibilité-là, est très, très, très grand quand tu étais au centre. Tu es d'accord? Oui, exactement. Puis la vigilance, c'est-tu dans le sens de se respecter puis de se protéger des autres? Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est bien que tu l'amènes à définir ça. Tu vois, ça ici, là, je connaissais même pas ça, moi, ce principe-là. Tu sais, je viens de te le dire, là, puis, mais ça fait du sens, hein? Vigilant. Exactement. Donc, c'est la beauté d'échanger ensemble à travers la parole parce que ça nous amène à nous instruire de choses qu'on ne connaissait pas. Ben, c'est ça. Puis quand tu dis vigilance, tu dis se respecter, qu'est-ce que tu dis? Ah, oui, bah. se respecter, puis ben, en fait, ce qui me vient en tête, c'est respecter, se faire respecter son territoire psychique pour pas que l'autre interfère. OK. Donc, je te dirais, enlève le mot respecter, être toujours présent à son territoire psychique pour être toujours prêt à le faire respecter. Ce serait ça, l'ajustement vibratoire que je fais. Être toujours présent soi-même en relation. Quand tu rentres dans un milieu, là, sois sien de quel milieu tu rentres. Parce que c'est pas vrai que le milieu va te respecter. Toi, si tu te respectes, tu es sien, tu es centré, tu es au centre de toi-même. Supposons que tu rentres dans un casino, là. On m'a dit en affaire, il y en a des bêtes astrales dans un casino. T'sais? Puis si toutes les gens iraient au casino pour savoir comment c'est quoi leur relation avec l'argent, ce serait très intéressant. T'sais? Prendre 300 piastres, puis tu t'envoies une table à blackjack, là, puis tu gages. Puis là, tu regardes si l'ego va se réfléchir ou Et les des voilà. pulsions. Et voilà. Et tu vas voir que les gens sont pas ajustés. Je te garantis une affaire. Tu prends l'argent, là, mets ça au centre de lui-vie, là, puis il perd. Hey, j'irai jamais au casino perdre 300 piastres. Voyons donc. Chris, ben, prends 3 000 d'abord, si tu veux faire l'expérience. Puis après ça, retourne-toi chez vous, voir comment tu vas vivre ça si tu as perdu 3 000. Tu vas-tu te réfléchir, tu penses? Penses-tu que les gens vont se réfléchir? Je pense que oui, moi. Oui, il y en a une méchante gang qui va Bon. se réfléchir. Donc, si je prends le principe du casino, c'est que si tu vas dans un milieu, que ce soit n'importe quel milieu, que tu vas au cinéma, que tu vas dans un spectacle d'humour, whatever, moi, tu sais, j'ai écouté les Oliviers dimanche soir à la télévision, pas parce que je m'ennuyais, parce que je voulais savoir comment ils fonctionnent, ces gens-là. Au niveau de la. Puis j'ai été surpris de le reconnaître qu'ils ont un certain talent. Les Olivier, c'est le gars-là par rapport à l'humour? Oui, puis il y OK. en a qui ont un certain talent qui peut être agréable, mais pas trop longtemps. T'sais. Tu comprends? Mais ils ont un talent. J'essayais de voir si j'allais rire. Puis j'ai ri. Il y a des bouts que j'ai. Ben, j'ai dit ça, c'est beau, c'est bien fait. Je pensais entre autres à Dominique et Martin, là. Tu sais, le groupe d'humoristes Dominique et Martin, Oui. ils ont une belle complicité, fait que j'y ris. Tu sais, mais c'est pas tout vrai. C'est pour ça que quand tu vas dans un n'importe quel milieu, faut que tu regardes c'est quoi qui vibre en toi. Si c'est ton corps émotif, ok, c'est sûr qu'au niveau des pulsions que tu peux avoir pour nourrir ton corps émotif, c'est peut-être ça qui t'a amené. OK, à être complètement déstabilisé dans ta vie, puis il faut que tu commences à regarder. OK, j'ai-tu des pulsions à corriger? Laquelle en premier lieu? Là, tu peux dire, OK, ça, là, faut que. Bon, mais l'affaire d'aller magasiner quand tu te sens triste, là, faut que tu la regardes. OK? Une personne, si un autre, c'est, je sais pas, moi, de manger parce que finalement, elle s'ennuie, mais ben, il faut qu'elle la regarde. De prendre de l'alcool parce que ça va pas bien dans sa vie, ben faut qu'elle regarde. Ensuite, la réflexion, ben ça va être comment est-ce que moi je donne de l'importance ou des valeurs à des formes qui dans le fond me détruisent ou me déstabilisent. Parce que une réflexion, par exemple, tu l'as dit tantôt, ouais, mais si je fais ça, ben je devrais avoir des résultats. C'est une réflexion. Non, si tu fais ça. Accepte qu'il n'y en a pas de résultat. Accepte plutôt de voir comment tu te sens en tant qu'ego dans ce que tu fais. Est-ce que tu es toujours bien dans ta peau? T'es pas bien dans ta peau? Puis pourquoi t'es pas bien dans ta peau? C'est la seule question valable qu'un ego doit se poser pour un jour connaître c'est quoi une vibration, parce que la réflexion t'amènera jamais à te censurer au niveau de l'ego et dire pourquoi je suis pas bien dans ma peau? Bon, ben là, tu voulais que ça aille trop vite. Tu voulais te trouver une job trop vite. Bon, ben là, fait que là, t'es décalé par rapport au fait de te trouver une job trop vite. Ça fait que, bon, pourquoi est-ce que ils mettent pas de monde dans ma vie? Bon, ben, si tu dis, par exemple, OK, je vis de la solitude au niveau de la conscience supramentale, puis là, tu dis aux forces, est-ce que vous en êtes au courant de ça? Ils disent quoi? Ils vont dire, Oui, on sait très bien ce que vous vivez. Puis là, tu lui dis, ben, je fais quoi, tabarnak? Puis là, ils vont dire, bon, il dit, tu pourrais peut-être t'inscrire à un gym. Puis si tu t'inscris à un gym, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais, ben là, ça c'est mon cas. J'ai rencontré un ami au gym, Olivier, avec lequel j'ai fait des entrevues également, là. Ouais, mais penses-tu que c'est pas le cas de n'importe qui? Non, je comprends que les forces ont créé des synchronicités. Et voilà, c'est le mot que je voulais. Des synchronicités vibratoires en lien avec ce que tu es supposé de vivre pour s'assurer que tu le vives. Par exemple, si tu as à vendre ta maison, puis la synchronicité vibratoire est pas là, puis là tu te dis, bon, ben Chris, là, je vais descendre mon prix, puis je vais donner ma maison. Ben, c'est une réflexion. Tu réagis en réaction, c'est pas en réponse. Si tu vas par en dedans, tu dis, c'est quoi l'affaire avec la crise de maison, Quentin? Pourquoi elle se vend pas? Là, ils vont te dire, ben, on travaille encore ton ego. Il y a des ajustements à faire. Fait que, ouais, mais pourquoi j'ai pas d'argent dans ma vie comme c'est là pour faire ça? Ben, OK, il t'a encore des choses à travailler sur. Tu dis, bon, mais c'est pas reposant, votre petit travail de merde, ça s'en va où? Il dit, ben, il y a des choses qui s'en viennent en relation avec ça, mais étudie ça, t'as le fond. Par rapport à comment tu réfléchis telle situation, puis tu vas voir que ta sensibilité est toujours détruite, puis c'est toi-même qui la détruis sans le savoir. En canalisant leur énergie. Parce que tu mets de la chaleur dans ta sensibilité, tu es fait à l'os. Non, c'est ça, mais en même temps, en tant qu'ego, c'est extrêmement frustrant, contrariant, d'avoir l'impression de discuter avec eux autres qui ont tout le temps raison. Oh, c'est intéressant ça. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, je suis d'accord. OK, je vais lui poser la question aux forces de la lumière. Est-ce que vous avez toujours raison? Ils ont un bon point de Tabarnak. vue. OK, non, non, mais j'ai pas fini. OK. Votre point de vue, doit-il toujours être accepté par l'homme? Il dit, c'est pas une question d'acceptation. Il dit, votre point de vue est-il contrebalancé en autorité par la vibration dans l'homme? Ils disent oui, tout le temps. Ils disent, donc, il dit, j'ai dit, donc c'est pas un point de vue. Il dit non, c'est pas un point de vue. Je dis, ben, pourquoi t'as dit c'est un point de vue? On parle? Bon, OK. Mais là, ils t'ont C'est quoi? désinformé, ça veut dire. Non, non, non, non, ils me désinforment pas. Ils donnent l'information. Mais si Ils c'est font. pas un point de vue, c'est quoi d'abord? C'est justement, c'est là qu'on s'en va. Ils me disent, David, est-ce que vous êtes impatient, vous? Là, je viens d'être impatient, oui. Mais est-ce que vous l'êtes normalement dans votre vie? Ça dépend pourquoi. OK. Ils disent, regardez la réflexion qu'il peut y avoir dans l'impatience. Mais pourquoi qu'ils disent ça? Regarde. Ils disent, on ne conteste jamais l'homme. On lui met dans sa réalité de la lumière. Si lui reconnaît cette lumière-là, il nous rend compte. Donc, il dit, on n'a jamais de point de vue sur l'homme. Il dit, ben, ils t'ont dit, est-ce que vous êtes impatient? Toi, tu dis, ouais, j'ai tendance à être impatient. Ils prennent ta lumière, ils prennent leur lumière, ils la font rencontrer. Ça donne quoi, ça, tu vas me dire? Vas-y. Une synthèse entre les deux. OK, c'est un bon mot. Il dit, c'est plus grand que ça. Il pouvait pas aller plus grand que ça. Et là, il va dire, ben non. Et là, il va dire, ben, il va penser qu'on va avoir autorité sur lui. Hein. Il dit, non, non, non. Il dit, il a la même autorité que nous avons. S'il est dans la vibration de ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'ils veulent te montrer. C'est quoi qu'ils veulent montrer? Ben, quelque part, une alliance psychique qui peut se former. Ouais. Puis ils disent, par exemple, toi. Il dit, quand la lumière te rencontre, puis tu te rends compte, est-ce que tu es instruit instantanément d'une vibration plus haute de ce que tu avais avant? Oui. Ton taux vibratoire vient de monter? Oui. Bon. Il dit, c'est ça le travail de la lumière. Mais quand l'homme n'est pas capable d'être un point de contact neutre, froid, ben, il personnalise sa relation avec les autres, puis là, il donne une couleur qui est un point de vue. Ah, ben, c'est votre point de vue. Il dit, on n'a pas de point de vue. Es-tu capable de voir ça, là? Oui, non, je comprends qu'eux autres, ils n'ont pas de point de vue réflectif comme un être humain peut en avoir un. Ils n'ont rien qu'une vibration. Puis, c'est quoi la vibration? Ben, c'est une vibration qui est impersonnelle, là. Ouais, mais ultimement, c'est quoi le vibration? Ben, une énergie qui est réelle. Ouais, mais ultimement, ils t'ont créé pourquoi? Ben, pour, j'allais dire exécuter leur volonté, là, mais. Non, non, non, non, hein, c'est bon, c'est bon. Ultimement, ils ont une vibration en lien avec l'homme. Pour quelle raison? Ah, ben, parce qu'ils veulent fusionner avec l'homme. Oui et non. C'est que quand tu crées un mouvement, qu'il soit n'importe quel que tu veux créer, tu veux que ce mouvement-là soit encore plus grand que ce que tu as voulu avoir créé. Sinon, tu es prisonnier des lois de l'infinité. Tu peux pas aller dans l'infinité, puis la lumière, c'est toujours ça. Donc, autrement dit, ils veulent se servir de l'homme pour avoir de l'expansion. Non, non, ils veulent pas se servir de l'homme. Parce qu'ils ont créé un mouvement. OK. Ils ont créé l'homme. Ouais. L'homme est sur la Terre. Il souffre énormément. Il voit sa souffrance. Et le mandat a toujours été de dire à l'homme quoi? Ben, je sais pas, c'est, ben, c'est-à-dire, ils veulent le faire évoluer progressivement parce qu'ils disent pas directement c'est quoi le réel à cause du mensonge cosmique. OK, mais c'est pas ça. Ils disent indirectement, voici ce qu'ils disent l'homme, Adam. On a créé une forme plus grande qu'on n'a jamais créée dans tous les espaces-temps intergalactiques. L'homme est le plus grand de tous lorsqu'il se sera conquéri pour aller dans la lumière et les corridors du temps que nous avons créés pour que lui ne soit jamais assujetti à aucun mensonge. Il dit, toutes les civilisations qui sont dans le cosmos, il n'y en a aucune qui est plus grande que l'homme. Ils sont tous assujettis à des mensonges. Les gris-gris qui viennent ici, là, les Les extraterrestres, là, petits gris, oui. sont assujettis à des mensonges. Il dit, pourquoi que la création de l'homme, dans la fusion de sa lumière, va-t-elle donner un être libre? Ça va être quoi, sa liberté? Ils disent, ça va être que sa lumière va totalement être impersonnelle et va devenir dans sa conscience égoïque, OK, où l'ego va avoir surpassé toute la nomenclature des mémoires vécues de la souffrance en lien avec l'âme pour que lui devienne dans sa tête un être vide de réflexion. C'est là qu'il va traverser le temps. Et quand il va avoir traversé le temps, il va savoir qu'il est infini, parce qu'il va toujours être dans le vide. Et pour la lumière, le vide, tant qu'il n'est pas vécu, l'homme ne peut pas avoir accès aux infinités de sa vie. Il va rester prisonnier de la réflexion. Et quand je parle avec la lumière, je vais dire, OK, le vide que vous avez voulu avec l'homme, c'est lequel? Il dit, on veut une absence totale de réflexion, parce que dans la lumière, il n'y a pas de réflexion. Il y a juste la vibration. Et c'est quoi la vibration que vous avez avec l'homme? Il dit, ce n'est pas de fusionner, parce que c'est un principe intrinsèque à la lumière de se rassembler. Il dit, le principe vibratoire de la création de l'homme, c'est sa liberté. Il dit, nous la voulons plus grande que la nôtre. C'est beau. Oui, mais ça me surprend un peu que l'homme, ça serait comme l'être le plus libre éventuellement de l'univers, parce qu'il y a d'autres Ouais. formes de vie qui existent qui sont beaucoup plus éthérisées ou moins denses que lui dans la matière. Oui, mais c'est justement parce que le principe de la densification de la matière lui donne une conscience matière anoblie. Anoblie dans le sens que il n'a pas été celui qu'on lui a donné. Il est celui qui a arraché. Ça se comprend, ça? Ben, dans le sens qu'il va arracher au plan de l'intelligence puis du savoir. Il va tout arracher. T'es pas mal sûr, David. Il va tout arracher. Il va arracher la liberté, la voyance, la création, mais son plus grand, c'est l'amour. C'est une force cosmique qui a été créée en lien avec le principe d'indivisibilité, de créer quelque chose qui ne contestera jamais dans son infinité le fait que tout ce qui est créé doit pouvoir éventuellement se dépasser et se recréer dans une capacité d'amener ceux qui sont derrière à aussi se dépasser. C'est ça l'amour de l'homme, hein? Quand on parle entre deux personnes, tu y rentres pas dedans, l'autre personne, si tu la respectes le moindrement. C'est sûr que tu vas aller à son rythme pour lui montrer ce qu'elle peut pas voir, mais si tu es capable de faire ça, c'est vraiment un grand, grand geste de générosité et d'amour. Oui, exactement, de respecter le rythme de l'autre pour l'aider à, ben, l'aider, c'est-à-dire l'accompagner dans Ouais, l'intégration de sa vibration, hein. parce que la sensibilité de savoir où est rendu l'autre, là, faut que tu le saches. Si tu ne sais pas, c'est parce que tu n'es pas capable de rentrer dans les principes d'amour. Non, c'est sûr que, oui. L'infinité de la conscience, c'est ça. C'est de rentrer dans les principes universels de ta propre voyance pour savoir où tu t'en vas, qui est l'homme, puis pourquoi que tu prends telle décision en relation avec ta vie pour être bien dans ta peau. Puis la lumière ne peut pas contester ça parce que le bien dans sa peau, ça appartient à l'homme et c'est la plus belle des choses. Exactement. Sinon, dans cette étude thématique numéro 2, il était question de l'immortalité. J'ai C'était. parlé de ça, Ben l'immortalité dans oui, ça. t'as écrit. Ben, tout ce que je viens de dire, c'est ça, l'immortalité de sa Ben mais je conscience. voulais t'amener quand même à commenter un peu plus parce que t'as quand même écrit un passage que j'ai trouvé intéressant. T'as dit que le but ultime de la vibration est celui de désir. D'identifier, pardon, l'homme afin qu'il puisse vivre sur la terre dans un médium de vie libre, une vie immortelle. Oui, parce que s'il n'était pas immortel, la lumière aurait autorité sur sa conscience. L'homme n'aurait pas accès aux infinités de la vie, d'accord? Oui, mais ce que je veux comprendre, c'est parce que présentement, l'homme a une espérance de vie, je ne sais pas, de 80 ans, puis après ça, il meurt sur le plan physique. OK. Donc, l'immortalité de la conscience dans un cadre où les gens se réincarnent puis oublient leurs vies antérieures. Donc, il n'y a pas de continuité. OK. Mais ça, c'est normal parce que les gens sont régis sur la loi d'âme à ce temps-là. Mais si une personne est régie sur la loi de l'esprit, ça va se passer comment, l'immortalité? Parle-moi-en donc. Mais c'est sûr que la personne, quand elle va quitter le corps physique, elle va aller sur le plan éthérique au lieu d'aller sur le plan astral. Puis, à ce moment-là, elle ne sera pas simplement de mémoire, mais elle va être une conscience qui continue à exister. Oui, puis elle va pouvoir se matérialiser à volonté par après, comme elle veut, si venir faire un travail si elle veut sur la Terre pour tu sais, les gens pensent que le centre de la Terre peut pas être habité. Le centre de la Terre peut être habité. C'est parce qu'on est trop dense. Tu sais, quand on regardait Lords of the Ring, il y avait différentes sociétés, des elfes, par exemple, qui étaient, je pense, le plus évolué dans cette société-là, Oui, je pense, c'est quoi, certainement. le Je les ai Seigneur des écoutés. Anneaux. Oui, les Le Seigneurs Seigneur des des Anneaux. Anneaux, puis aussi Bilbo le Hobbit, là, de Tolkien, là. C'est Ouais. sûr que ce qui est intéressant de voir, c'est que les elfes sur leur terrain étaient immortels. C'était des Ouais. êtres végétariens, des êtres très raffinés sur le plan esthétique, d'une grande beauté. Et puis s'ils quittaient leur terrain, ben là, ils devenaient mortels. Donc il y en a une qui était amoureuse d'un roi. Et elle Ouais. était consciente que si elle quittait le territoire des elfes et elle est dans le territoire des hommes, elle est soumise à la mort. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas réel, mais dans le film, c'est réel, là, parce que c'est un film. Bon, en gros, c'est cela un peu, c'est que l'immortalité d'une conscience se résume à ceci, c'est que l'homme n'a plus de besoin de réfléchir la vie. Puis, étant donné qu'il n'a plus besoin de réfléchir la vie, il est au-dessus de la vie. Comme nous autres, on réfléchit beaucoup la vie. Hein? Tu sais, par exemple, bon, ben, à tel âge, on devrait avoir une maison. Tu sais, ou si pourquoi que la conscience, ça passe par la souffrance. On peut réfléchir longtemps là-dessus. Comme la philosophie a réfléchi sur ça tout le temps qui a été. C'est pour ça que c'est une science morte, la philosophie, c'est que, tu sais, je pense donc je suis. Ça fonctionne pas comme ça. Non, exactement, ça garde l'individu piégé dans des formes. Ouais, c'est le mensonge cosmique, tu sais, c'est de la réflexion. Fait que nous autres, on est au-delà de la réflexion, on est dans la conscience supramentale. Puis on va conclure là-dessus parce que je crois que je suis fatigué. Ça demande énormément d'énergie quand même de parler des sujets comme ça. N'y a aucun problème, Marc. Donc, ça a été un plaisir de discuter avec toi. OK. Et puis, bien, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.